Non, mais on fera des derbies, c'est très puis, bien. Et puis je te rappelle juste une chose, David, parce que y a, moi aussi, il y a très longtemps que je suis le rugby. Aujourd'hui, on parle au rugby à Lille-sur-Sorgue, ils ne font pas les faits divers, des bagarres en général, des matchs arrêtés, des jeunes qui... Voilà, quoi. Oui, il y a une trentaine d'années, c'était un petit peu ça, quoi. Lille-sur-Sorgue était un petit peu banni pour ça, quoi. Hein, qui était, ils étaient un peu sur le, comme on dit, sur le grill des arbitres et du comité en disant... Oui, oui, non, voyous, c'est vrai qu'on a eu une période, donc ça fait 5 ans que... qu'on travaille dessus. C'est bien, mais c'est tout à votre honneur. C'est ça qui est beau, c'est ça qui me plaît. Il y a l'apport de Jean-Pierre Pellaprat qui est venu cette année en tant que dirigeant, ben, pour ça aussi, pour sensibiliser aussi au niveau des éducateurs, au niveau des joueurs. C'est bien, c'est bien. Et voilà, C'est à ça qu'on reconnaît les bons clubs, c'est qu'ils arrivent à structurer toutes les catégories et même pas oublier les détails parce que s'attacher les services d'un arbitre qui vient parler aux joueurs, parler à toutes les catégories d'âge au niveau de l'arbitrage, ça démontre que le projet est rondement mené et on voit les résultats cette saison avec encore une fois une montée, une qualification d'entrée et peut-être une qualification pour les 16e. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, David. Ouais, sans problème. Merci vive beaucoup. Le boxing. Après, c'est pas la première année qu'il a pu durer. Ouais, bien sûr, on a déjà vu par le passé, tu le sais aussi bien, hein, mais on a déjà vu des tas de clubs monter, faire l'ascenseur, exploser comme des pop-corns à l'étage supérieur et ne jamais s'en remettre. Vous, comme les Angles, parce que pour moi, c'est un petit peu le même profil, ces deux clubs. On a le même profil. Pour moi, vous avez exactement le même profil. Le boulot est fait en profondeur. On ne construit pas des baraques juste posées sur le gazon. Hein. Voilà. Il y a des fondations qui sont creusées et profondes en plus. Et bravo les gars. Merci. Merci David, merci, vive le boxing merci. Lillois et on sera très attentif à ce déplacement à l'étang de Berre. On y reviendra bien sûr lundi prochain, on l'espère, le 2 mai, avec l'autorisation de la direction. Et puis on se préparera peut-être pour venir vous soutenir et faire une belle page sur le boxing Lillois. Boxland Rugby Lillois, c'est ça ? Un Boxland Club. Boxland Club Lislois. C'est British in the café, comment Irish Café à Monté à Lille. C'est ça, hein. Allez, Zou. Merci, bye bye. Au revoir. À nous, on va continuer, on va revenir bien sûr sur ces phases régionales. Et bien, on a fait une ouverture bien sûr pour parler de ces résultats de Fédéral 3. On viendra en dernière partie de cette page rugby parler de Château-Renard face à Beaune. On va y revenir dans quelques minutes. J'arrive à revenir un petit peu à ce qui était une finale annoncée entre deux clubs qui ont tenu un petit peu le haut du pavé. Monteux est arrivé en fin de saison dans ce championnat honneur et c'était pour le comité de province la finale qu'il ne fallait pas manquer. Rendez-vous manqué, premier rendez-vous manqué, dommage pour Monteux. Ouais, on a assisté à un match bizarre avec deux équipes qui n'étaient pas là pour la même chose et qui n'étaient surtout pas du même niveau, tout simplement. D'un côté, Uzès, grosse cavalerie. Uzès, c'est pareil, Uzès c'est un club qui a pris le temps de se restructurer. Ils sont descendus il y a une paire d'années, ils ont pris le temps de se restructurer, ils ont fait venir des mecs, pas des pompes, ils ont fait venir des types ciblés, avec des mecs qui n'étaient pas en bout de course, mais qui pouvaient quand même apporter énormément d'expérience et de qualité. Je pense notamment à ce Bouvier qui joue à l'ouverture, un mec qui a joué à Nîmes et qui a traîné un petit peu dans un ou deux gros clubs aux alentours. Château-Renard. Quand un club fait le choix de s'attacher ce style de joueur, eh ben, tu te dis qu'il y a de la suite dans les idées. Donc là, Uzès, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils se sont attachés les services de ce type de joueur-là. 28, 30 ans. Mais les mecs, ils ne sont pas pourris. Ils ne sont pas hors de forme. Ils font le job et puis ils ont du talent tout simplement. Et de l'autre côté, malheureusement, non, ils se surprennent parce que il y a des joueurs comme Guy Fleury, Amadash, ce sont des joueurs qui ont joué en fédéral une, il faut pas. Oui, en faire, mais hein. oui, mais il y a peut-être 3 ans d'écart entre chaque bloc de joueurs. C'est-à-dire Uzès a pris des mecs de moins de 30 ans qui ont de l'expérience et Monteux a fait le choix de dire on récupère des vieux grognards, ils vont nous aider à remonter. Mais par contre, on ne pourra pas les utiliser l'année d'après. Alors que Uzès, tous les mecs qu'ils avaient sur le terrain samedi après-midi, ils peuvent tous les prendre et les faire jouer en Fédéral 3, ils ont tous ce niveau. Alors que là, on a vu une équipe de Monteux, les mecs étaient là, ils ont fait le job, ils remontent pour la première année en honneur, ils remontent en Fédéral 3, donc le job est fait. Mais Uzès, toute la saison, ils ont caracolé en tête, ils finissent à plus 8 au championnat. Et Monteux, ben, ça a été compliqué, ils ont eu des hauts, des bas, des machins. Voilà, alors ça nous a donné une finale qui, sur le coup, on a cru qu'elle pouvait être équilibrée entre le premier et le second. Bon, ça a été équilibré 10 minutes, malheureusement, quoi. Ouais, après, au bout de 20 minutes de jeu, 30 pour Uzès. Ouais, 30 pour Uzès, 0 pour Monteux. Uzès en seconde mi-temps lâche beaucoup la pression. Ils se sont amusés, ils ont fait tourner, ils ont tenté des trucs et puis surtout ils ont préparé leur match de phase finale la semaine prochaine. Et Monteux, ils étaient en souffrance complète, hein. Ils avaient le capot ouvert, il y a tout qui fumait. Et puis voilà, des mecs en bout de course, quand tu parles, on a discuté avec Amadash on va rester là, on va passer à Amadash et on revient avec son analyse de ce match et de ces joueurs qui ont marqué l'histoire du rugby, mais peut-être aujourd'hui, bien on sentit que ça allait trop vite au-devant. Allez, avec Amadash, le capitaine de cette équipe de Monteux, forcément déçu. Ouais. Déçu une dernière saison. Ça aurait pas dû se passer comme ça, on a été inexistant. Bon, après on peut pas leur enlever, ils ont gagné et le tableau il dit tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire, 37 à 7 et 30 à 0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est bouffer le match tout seul, on a été absent. On a été absent, très déçu automatiquement. Une grosse équipe du ZES, vous on a l'impression que presque vous avez lâché rapidement, plus parce que cette équipe du ZES était au-dessus, non? Était au-dessus. J'ai l'impression que devant, on leur a posé énormément de problèmes parce qu'ils ont marqué que l'essai sur la totalité du match en deuxième mi-temps. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Après, on a eu des problèmes sur du repli défensif, on a eu beaucoup de problèmes. Et ouais, on a été, bon, c'est clair, au niveau de l'agressivité, ça n'a pas du tout été ça. Et ouais, forcément, voilà, le score, il s'en voit ça. Une grosse équipe du 16, une grosse équipe. On a une belle équipe aussi. On les a eu au match aller, au match retour. On savait à quoi s'attendre. Mais ouais, voilà, la déception obligatoirement. Et maintenant, les phases finales? Mais maintenant, il faut préparer les phases finales et voilà, on remettre du baume au cœur et s'entraîner pendant 15 jours pour les 32e. Maintenant, il ne reste plus que ça. Essayer de prolonger un petit peu l'aventure pour toi parce que ça sent l'écurie, non? Exactement. Et ça serait dommage que je m'arrête sur ça aujourd'hui, que ce soit moi ou tout le groupe, on mérite beaucoup plus. Et j'espère qu'on va montrer une autre facette dans 15 jours, je ne sais pas où on joue d'ailleurs, contre Sijang pour la nouvelle. Alain Cadillac, le président du comité de Provence. Président. On va y revenir avec le président. Il joue 6 gens. Là aussi, il va falloir vite se remotiver pour cette équipe de l'OSM de Monteux. Monteux qui a toujours été au rendez-vous des phases finales. Attention de ne pas gâcher la fête. Ouais, non. Alors, la fête, elle ne sera pas gâchée puisqu'ils se qualifient déjà pour les phases finales. Ils ont fait une finale du championnat de Provence. Donc finalement, la saison n'est pas si mauvaise. S'il y a 8 mois, on leur avait dit qu'ils en seraient là aujourd'hui, ils auraient sûrement signé. Rappelle-toi dans quel état était le club au mois de juin dernier. Ah oui, c'est clair. Donc, ils se sont appuyés sur quelques bons joueurs, finalement, qui sont... Mais encore une fois, pas dans la même optique que l'a fait Uzès. Uzès prend le temps de construire. Il y a un projet qui est cohérent. Monteux, ça navigue un petit peu plus à vue. Ça marche, puisqu'ils remontent dès la première année. Mais on n'est pas tout à fait dans le même truc. Et puis, on a vu, hein, d'un côté, ça respire la sérénité. De l'autre côté, ça va un peu plus presque naviguer à vue. Et ça sera dur face à Sijang. Oui, ça va être... Alors, ça, je te propose maintenant d'écouter le président Cadillac, le président du comité de province, qui a fait une très très belle journée. Ils ont bien réussi leur coup du côté du Parc des Sports pour ce moment de rugby et de fraternité. Alain Cadillac, le président du comité de province. Président, belle finale, une belle journée, un beau vainqueur finalement pour cette finale d'honneur. Oui, c'était ma première finale, mes premières finales seniors, puisque je ne suis élu que depuis le 17 septembre. Je n'ai plus que me réjouir de cette fête. Alors nous avons essayé d'amener un peu d'innovation. Des bandas, le Coupo Santo chanté et joué en début de la finale honneur, et puis que des très, très, très, très, très, très beaux champions de Provence. De surcroît, un super champion top Provence en honneur, le club du président Séropian du Duzès, qui a un très très beau parcours à faire. Par contre, en championnat de France, quand on s'autorise à dominer, comme ils ont de la tête et les épaules, cette finale honneur, je ne peux que me réjouir pour ce club. Mais également, je souhaite signaler que Monteux a été un valeureux adversaire, et malheureusement il faut un vainqueur, et aujourd'hui c'est nos amis gardois qui l'ont remporté. Quand on voit du monde comme ça aujourd'hui autour des terrains, dans les tribunes, quand on voit le rugby comme ça, on se dit que le comité de Provence va bien finalement. Le comité de Provence va très très bien. Nous avons aujourd'hui eu une augmentation de 25% des rentrées, équivalent de, par rapport à l'an dernier. Les gens étaient très satisfaits. Il est vrai que la fête ne peut être que belle. Pourquoi ? Nous avons la chance d'avoir un écrin, le parc des sports d'Avignon, agrémenté par ailleurs par des bénévoles qui au comité de travail, le comité de Provence travaille avec générosité. Nous sommes fiers de notre appartenance au Provençal.